Salut à toutes et à tous, ici Denis Jeep. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle saison du podcast de la chaîne, à savoir la Cantina Chic Tabac. Alors, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation de la saison 2 de la chaîne, on a un nouveau format pour la Cantina Chic Tabac. Ça sera un format normalement plus court si on arrive à pas trop parler. Et voilà, un peu plus à la cool. Donc, il y aura un format, voilà, de base que vous retrouvez mensuellement qui sera donc une trentaine de minutes. Et de temps en temps, on fera peut-être des grands formats hors série. Bien plus long sur des thématiques, on va dire, plus profondes. Donc ça, on verra à l'occasion. Pour cette première de la saison 2, on va parler en fait d'un jeu vidéo qui est sorti en 2010 et de sa suite tant attendue par beaucoup de monde, on verra si c'est notre cas, qui va sortir à la fin du mois, à savoir Red Dead Redemption et donc Red Dead Redemption 2. Et donc pour m'accompagner, je serai avec mon fidèle acolyte. Donc là, vous le savez pas, il y a eu une coupe au montage parce qu'au début, j'avais fait un lapsus avec alcoolique. Donc il va nous dire s'il est vraiment Macrémic. Bienvenue, Macrémic. Eh ben salut. Non, tu n'es pas alcoolique, tu n'es pas OAA. Non, c'est pas parce que je bois une bière que je suis alcoolique, non, c'est pas parce que je tiens que je suis à Cantina Chic Tabac que je suis alcoolique, non, pas du tout. Exactement, de toute manière, nous avons la licence 4 à la Cantina Chic Tabac. D'ailleurs, pour cette nouvelle saison, justement, pour les formats, je dis format de base, mais c'est pas terrible comme expression. Mais en tout cas, pour ces formats-là, je vais passer de l'autre côté du comptoir, justement, tranquillement, me poser à la table, et c'est plutôt toi qui feras le service, parce que voilà, on se dit, ben, pourquoi pas changer un petit peu, ce qui fait que, ben, sans plus de transition, je te donne la main. Bah, il y a un petit jeu qui sort dans 2 semaines, là, Red Dead Redemption 2. Tu comptes l'acheter? Eh ben, écoute, je sais pas. Non, en fait, si je compte y jouer, mais je sais pas si je vais y jouer Day One, probablement pas. Et donc, mais je l'achèterai évidemment parce que c'est bien connu qu'à la Cantina Chic Tabac, on ne nous offre pas de jeu de toute manière. Donc, ni de voyage en hélicoptère, ni quoi que ce soit, encore moins peut-être en diligence, on verra. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Donc, si je dois y jouer, ben, j'achèterai le jeu probablement, mais je pense que j'attendrai de le trouver peut-être en occasion dans des bacs. Ou sur le PSN, je verrai, mais en tout cas, ouais, probablement pas Day One. Et toi, tu comptes l'acheter? Tu l'as déjà précommandé peut-être? Ah non, pas du tout. Déjà parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai plein de jeux en retard. J'ai toujours pas fait Vampire, alors que c'était le jeu que j'attendais le plus cette année. Et puis non, en fait, les jeux solo, d'une manière générale, moi, de toute façon, j'achète plus tard, quand ils ont baissé de prix. Et puis, y a rien qui me donne envie de me précipiter dessus, en fait. C'est pas du tout comme le premier. Je sais pas si tu te rappelles quand il était sorti en 2010. Ben effectivement, le premier, ben on peut en parler d'ailleurs un petit peu du premier parce qu'il a quand même marqué. Alors j'ai vu que pour beaucoup de personnes, c'était genre un peu le jeu de la génération précédente. Alors moi j'ai beaucoup aimé, mais en fait j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'avais pas acheté peut-être pas Day One, mais comme je suis très fan de western et que ben il faut dire ce qu'il y a quand même, on n'a pas été souvent gâté, on n'a surtout pas eu beaucoup de productions western dans le jeu vidéo. Et effectivement, en fait, moi je me rappelle quand je l'avais joué, j'avais kiffé, mais par contre, si je devais faire un classement de mes jeux préférés de la dernière génération, bon après on est pas mal PC, toi comme moi, je sais, mais finalement il serait peut-être pas dans les 10. Pourtant, j'ai adoré l'expérience, hein, mais peut-être on va en discuter pourquoi. Tu vas me dire toi ce que t'as aimé ou pas. Toi, si tu mets à quel niveau d'ailleurs ce Red Dead Redemption premier du nom? Je sais pas, PS3, j'ai eu quand même pas mal de jeux, mais c'est vrai que c'est des jeux qui marquent moins. Par exemple, comme des trilogies, alors on en reparle, c'est Uncharted, mais parce que des trucs comme ça, tu t'en souviens parce que c'est des jeux qui sont plus courts et qui te marquent davantage. Red Dead 2, en fait, il était super bien à tous les points de vue. Red Dead 2, Red Dead 1 qui était en fait une sorte de suite de. C'était quoi? C'était Red Dead. Red Dead Revolver. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc Red Dead 1, eh bien, il était super, mais il n'y a pas un moment où tu te dis. Où tu vas te rappeler une séquence particulière ou un moment qui t'a marqué dans le jeu, peut-être à la fin qui... On peut le spoiler, je pense, de toute manière. Bah, oui, il y a permission depuis. Mais je te rejoins sur ce truc-là, en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est une super... En fait, quand t'es fan de western... Est-ce que t'es fan de western, toi, d'ailleurs, aussi? Ah ouais, moi, j'aime beaucoup les westerns. J'en ai mangé à la pelle avec mon père à la télé. Et bon, moins aujourd'hui, mais moi, j'adore tous les western italien, mais enfin ce Eastwood et les récents comme les plus vieux. Je crois que mon préféré, ben c'est Eastwood qui avait fait, c'était comment il s'appelle, Impitoyable. Ouais, Impitoyable des années 90. Je crois que c'est mon préféré. Ouais, ben super film. Enfin, moi j'adore. Moi mon préféré, oula, ah ça reste Bon la beauté le truand. Enfin la trilogie de l'art. Ouais, peut-être. C'est tellement difficile de les classer. De Léon, mais après. Mais d'ailleurs, justement, je pense qu'on pourra parler justement des trucs cinématographiques. C'était ça, en fait, le vrai kiff de ce jeu-là. Alors, en plus du gameplay, mais c'était déjà de ce monde western. Là, t'avais vraiment l'impression de vivre, en fait, de vivre tous ces films-là, de revivre, mais de pouvoir les jouer. Mais en fait, c'est plus ce côté-là dans le jeu, pour le coup, pur et de la sensation, que de l'histoire. Parce que finalement, l'histoire, quand t'es fan de western, ben, en fait, finalement, c'est tout des histoires, des personnages que t'as déjà vu, déjà croisé dans les films. Donc finalement, t'avais rien de marquant. Même la fin, en fait, surprend à l'époque. Parce qu'effectivement, t'as cette scène-là où tu vas te faire buter. Mais en même temps, c'est justement repris sur des films déjà, enfin, moi, personnellement, que j'avais vu. Donc, forcément, sur le coup, tu te dis, ah ouais, quand même, ils ont osé faire ça, c'était assez fort. Mais je veux dire, ça m'a pas surpris. C'est quelque part, t'avais l'impression de visiter, ce qui était bien d'ailleurs, hein, un album de vieux western, parce que ben, voilà, t'as plein de références, et c'est là où Rockstar est très fort d'ailleurs. C'est enfin, ce que j'avais trouvé, c'est que ils ont réussi à remixer plein de westerns différents, que ce soit comme tu dis les westerns classiques à la John Ford ou Howard Hawks, le spaghetti évidemment de Sergio Leone ou de Corbucci, après des films un peu plus, on va dire, comme Little Big Man de Arthur Penn, ça, parce que justement, il y a tout un passage, je sais plus comment il s'appelle ce personnage dans le jeu, tu sais, que tu croises là, qui est un pistolero un peu vieux, et qui t'apprenne des trucs, Ah oui, ça. le vieux au Mexique là. Oui, effectivement, au gros cliché aussi. C'est London Rickett, je crois. Ouais, Rickett, ça me parle, ouais, Et ça va être. en fait, qui est un peu basé sur Wild Billy Cox et tout ça, et t'as ce personnage-là qui est un peu comme ça dans Little Big Man avec Dustin Hoffman, justement. Où c'est un mec qui lui apprend à tirer vite, et donc t'as plein de trucs comme ça, ou même t'avais tout ce côté Mexique avec Il était une fois la révolution de Sergio Leone, ça, je veux dire, c'est vraiment dessus. Et donc voilà, en fait, donc tu le revivais, donc ça c'était cool, mais je sais pas, enfin pour moi, en fait, l'histoire en elle-même, les quêtes, c'était sympa, mais en fait c'était pas, comme tu dis, marquant. Non, déjà parce que le jeu, en fait, il est long. Et c'est peut-être un frein aussi à la rejouabilité. Enfin, moi, je sais que je l'ai fait qu'une fois. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais me refaire Red Dead Redemption. Parce que bah, tu refais un jeu linéaire avec une histoire forte, bah, tu vas mettre 8 heures. Là, tu vas pas te dire, bon, allez, je vais refaire Red Dead Redemption, je vais me le faire vite fait en 40 heures, et puis voilà. Donc, mais comme tu dis, de toute façon, il y a. Le gros du jeu, c'est pas la trame scénaristique en elle-même, c'est de reprendre tous les clichés, tout ce qui faisait recette dans les films. Ils en font un condensé dans le jeu. Et puis, de toute façon, tu vois bien qu'il y a plusieurs secteurs. Tu vas trouver un personnage clé qui est super bien travaillé, il va te filer 5 missions, et ensuite tu vas passer à un autre, etc. Donc, c'est comme si à chaque fois tu passais d'un petit film à l'autre dans le jeu. Ben oui, mais même au niveau des décors, de la DA, puisqu'on a le côté, justement, quand tu commences, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Amarillo, peut-être la première ville, c'est plutôt le western. Ouais, t'avais Black Blackwater, c'est la dernière, en fait, c'est Blackwater, la. c'est la ville où tu arrives. Et ouais, c'est Armadillo ou Amarillo. Et en fait, c'est ça, t'as le côté western classique, après tu vas voir le côté plus un peu western spaghetti, après t'arrives au Mexique avec la super musique, là, le thème quand t'arrives. Là, si tu vois, s'il y a un moment à retenir dans le jeu, c'est quand t'as l'espèce de Ouais. coucher de soleil, que t'arrives dans la Sierra mexicaine, Ouais, quand tu passes la frontière. et que t'as la musique, c'était le Far Away de José González, là. Alors, c'est Junip maintenant, son nom, et il fait super musique d'ailleurs, on fait une digression, mais moi j'adore ce qu'il fait. Et là, c'est ce plan-là, quand tu débarques, ça quand même est vraiment fantastique. Donc là, t'avais plutôt côté un peu après, voilà, une fois les révolutions. Et après, effectivement, après, t'avais le côté plus dans les plaines avec les bisons. Et donc là, c'était un petit peu la fin. Parce qu'en fait, le jeu, il se passait, je crois, en 1910, 1911, tout comme ça. Oui, Donc c'est la fin, en oui. fait, du Far West. Et quelque part, la trame principale, c'est pompé, mais pompé dans le sens noble du terme, sur un film qui est mon western préféré avec le Bon, le Brutal et le Truand, qui est La Horde Sauvage de Sam Peckinpah, où justement, en fait, c'est un ancien gangster. Mais c'est pas lui, gangster, je sais pas pourquoi je dis gangster, c'est un cowboy. Qui en fait c'est des hors-la-loi, et c'est un peu la fin des hors-la-loi et la fin de l'Ouest sauvage. Ils se font traquer justement par un ancien dealer, sauf qu'au lieu de suivre là la personne qui traque, qui est jouée par Ryan, dans le film, en fait on suit la bande. Mais c'est exactement ça, et si tu rates ce film-là, jusqu'à la fin, d'ailleurs le passage au Mexique, la Révolution, et jusqu'à la scène finale où il y a une espèce d'explosion de violence hyper nihiliste et tout ça, c'est vraiment en fait calqué dessus. D'ailleurs, il y a un des personnages principaux qui s'appelle Dutch, et le mec qu'on poursuit s'appelle Dutch. Enfin bref, il y a plein de clins d'œil comme ça. Et donc voilà, donc comme tu dis, oui, c'est pas forcément des clichés, mais c'est vraiment les archétypes du western. Et donc en fait, Ouais, après, c'est le terme que je cherchais en fait. ouais, mais c'est vrai, oui, parce que après, il y a des côtés quand même très clichétonesques. Oui, bien sûr, mais ça, c'est aussi la patte de Rockstar. Hein. Ils en jouent, ils savent ce qu'ils font avec les persos, et effectivement, Quand on dit que c'est cliché, c'est normal, parce que quand tu vas voir un personnage dans, ben même dans les GTA, et tu vas te dire, mais oui, c'est ce personnage de tel film. Donc, je trouve qu'ils n'inventent pas grand-chose, mais tout ce qu'ils font, enfin, ils s'inspirent, enfin, ils ont une grosse source d'inspiration, et ils le font très bien, en fait. C'est pour ça que tu peux quasiment rien reprocher à leur jeu, enfin, en tout cas, à Red Dead Redemption, vu qu'on parle de que de celui-là. Mais ouais, même la recette Rockstar, de toute façon, c'est les mêmes recettes. Enfin, en tout cas, d'un point de vue de la structure de l'écriture, en fait, et narrative, effectivement. Et c'est pour ça qu'ils me marquent, leurs jeux me marquent, à part Red Dead, et je vais peut-être GTA 3, je crois que j'ai fini quasiment aucun de leurs jeux. Parce que Le justement, au bout d'un GTA 3, moment. lequel? Le San Andreas? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Non, GTA 3. San Ah, le Andreas, c'était premier, après. Ouais, dans ouais. Liberty City. Liberty City, ouais. Et parce que il était peut-être plus Ouais. court. Mais en fait, après, j'ai jamais fini leur jeu, justement. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu profites des trucs, tu sais, tu le prends un peu. C'est comme si tu piquais à droite à gauche leur truc, tu t'amuses. Et au bout d'un moment, en fait, ben, je décroche de leur histoire. Parce que les personnages, comme tu dis, mis à part quelques-uns bien travaillés, mais même, je trouve qu'ils représentent quelque chose. Donc, ils ont ce côté archétypal. Mais ils manquent de profondeur. Enfin, ils vont en développer certains. Mais tu vois, j'accroche pas. J'ai pas cette sensation-là. À part un dont tu avais parlé quand on avait fait le podcast sur les femmes du jeu vidéo, qui était Bonnie Ouais. McFarlane, qui est un super personnage, et qui peut-être, d'ailleurs, probablement, je trouve le meilleur personnage du jeu. Oui, je trouve aussi. Mais effectivement, comme tu dis, voilà, ils ont ce truc-là, et c'est pour ça que moi, leur jeu, ben ouais, en fait, là, je l'ai fini une fois, mais c'est vrai que après, tu peux refaire tu sais, te balader dans l'univers, mais c'est vrai que t'as plus forcément envie de te le refaire. Et donc, ouais, je te rejoins totalement là-dessus, et d'ailleurs, tu parlais à juste titre de ce côté. Il crée rien. Alors quand on dit il crée rien, c'est pas forcément au niveau du gameplay parce que bon, on peut en parler après parce Non, qu'ils ont au amené plein de contraire. trucs. C'est voilà de ce côté-là, ils y vont quand même à fond. Mais au niveau narratif et de l'écriture, mais c'est exactement ça. Et je faisais la réflexion tout à l'heure d'ailleurs en préparant dans ma tête le podcast parce qu'on dit qu'on le fait à la cool, mais bon, on prépare un peu quand même. C'est qu'en fait, ils font penser en fait à Tarantino. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont mixer plein de choses Oui. avec talent et savoir-faire. Voilà, énormément de références. Exactement, hyper référencé. Alors, mais finalement, ben voilà quoi. Alors, par contre, je précise que je préfère largement plus jouer à un western de Rockstar qu'à me taper les westerns de Tarantino. Voilà, ça c'est mon avis. Parce que voilà, parce que Tarantino, effectivement, il est très bon pour remixer les choses, mais quand il veut remixer des séries B, il le fait très bien. Quand il commence à vouloir être du Peckinpah ou du Léon ou du John Ford, malheureusement, gars, tu n'es pas John Ford, tu n'es pas Peckinpah, et enfin, c'est mon avis, vous pourrez m'insulter en commentaire si vous voulez, mais voilà, c'est un très bon en fait DJ du cinéma, et Rockstar le fait très bien en fait dans ses jeux, au niveau de l'écriture en fait. Hein. Après Ouais. voilà, au niveau du gameplay, je vais te laisser aussi parler un peu peut-être plus du gameplay, je sais que t'es plus gameplay que moi j'avais kiffé, Ouais. mais là par contre, ils sont quand même innovants de ce côté-là. C'est la patte de Rockstar. Et c'est pour ça qu'on savait que Red Dead allait fonctionner. Parce que quand ils l'ont annoncé, tout le monde s'est dit, bah, en fait, c'est GTA dans le western. Donc ça allait marcher. Pourquoi? Parce que déjà, un western dans un monde ouvert, je crois pas qu'il y en ait eu avant. Et en fait, bah, voilà, le fait de pouvoir se balader, qu'il y ait un cycle jour-nuit, qu'il y ait un écosystème. Et puis qu'on puisse se balader à cheval. Donc voilà, c'était un gros kiff à l'époque. Ensuite, moi personnellement, je trouve que les GTA et Red Dead, du coup, en fait, donc l'histoire est toujours super travaillée, mais l'histoire, elle permet de desservir le gameplay, à l'inverse de jeux comme The Witcher, par exemple. Donc là, on pourrait en débattre, mais bon, c'est pas le cas. Mais le cœur des GTA et de Red Dead, je pense que c'est du gameplay. Et c'est là où en fait où ils sont très forts, parce que d'une mission à l'autre, tu vas faire des trucs complètement différents. Il y a pas un moment où tu vas te dire, ah, c'est toujours la même chose, etc. Non, ils vont faire toujours un truc pour te surprendre. Ils vont toujours pondre un élément de gameplay. Il va servir que pour une mission. Et eh ben tant pis. Et eh ben tu seras content. C'est comme prendre d'assaut avec une mitrailleuse. Un fort, aller repousser enfin aller chercher des chariots dans des mines, ce genre de choses, attaquer un train, des diligences, ce genre de choses. C'est pas des trucs que tu vas faire tout le temps dans l'histoire, mais voilà, ils se donnent la peine de rajouter ces petits trucs, et ça rajoute énormément à l'immersion en fait. Et c'est pour ça que tu prends du plaisir à y jouer, et que finalement tu vois pas le temps passer, et que, c'est peut-être aussi le talon d'Achille, que y a pas un bon rythme dans l'histoire, dans la mesure où, entre deux missions, tu fais ce que tu veux. Oui, voilà. Et puis surtout, c'est que par moments, c'est ce que je trouve que j'ai reproché d'ailleurs à Rockstar et tout. Enfin, que j'ai reproché, mais parce que c'est moi, c'est mon côté vraiment axé sur la narration. Ça, je suis peut-être pas en fait le cœur de cible probablement pour ces jeux-là, même si j'aime ce côté monde ouvert immersion. C'est qu'en fait, finalement, ton personnage, en fait, Marston, il a du charisme en tant que tel, mais pas quand tu le joues forcément, tout simplement parce que quelque part, il a pas son mot à dire. C'est genre, ouais, mec, va chercher ça et tout ça. T'es là, attends, t'es un ancien Orlalo, tu fais peur à plein de gens. Et en fait, t'es un peu un coursier, tu vois. Et dans les GTA, tu retrouves ça aussi. Et j'avoue que Dans ça. GTA, c'est encore plus marqué parce que dans les premiers GTA, les personnages, ils ne parlaient pas. Je crois que c'est à partir de Vice City Oui. que le personnage y parle. Ah, Donc effectivement. effectivement, ça fait, tiens, on va faire ceci, et puis tais-toi, en fait, non, dis rien, vas-y. Et ça faisait un petit peu mission FedEx. Tu vas à un point B, t'as une petite cinématique, tiens, fais une mission, et puis tu te casses. Et effectivement, ton personnage, il est un petit peu transparent. Mais bon, ça a changé au fil du temps quand même. Ben oui, voilà. Mais après, c'est ça. Après, ça te permet aussi à chaque personne de se mettre à l'intérieur. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que c'est un truc que j'aime pas trop. Voilà. Parce que, par exemple, tu vois, on parlait de Bonnie McFarlane. Ce personnage, en fait, je trouve qu'il est tellement bien. Quelque part, quand tu vois après comment il est mal, pas représenté, mais mal approfondi, le personnage de la femme, en fait, de Abigail, tu te comprends même pas pourquoi Marston, en fait, retrouve sa femme à la fin, finalement. Tu te dis que ça collait beaucoup plus avec McFarlane. Mais jamais le jeu te laisse l'opportunité ou même te met ça en fait, et j'ai trouvé ça, c'est ça en fait, je trouve que les personnages en fait ils manquent de consistance, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils aident comme tu dis en fait l'histoire qui va aider le gameplay, mais en fait c'est comme si on les prenait un moment et on n'a pas l'impression qu'ils existaient avant et qu'ils existeront après, tu vois, c'est ça que je trouve. Ouais, c'est un peu un élément de décor, je suis d'accord. Une fois que t'as bouclé l'arc narratif avec des personnages, tu ne les vois plus, t'as plus affaire à eux. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas des RPG de toute façon. C'est avant tout des jeux, on va dire, de action-aventure. Enfin, non, c'est peut-être pas comme ça, mais c'est pas des RPG, effectivement. Parce qu'à aucun moment, tu peux aller revoir un personnage qui te plaisait pour dire salut, enfin, voilà. Donc, effectivement, il y a un petit peu ce côté où j'utilise un personnage à fond. Et puis ensuite, bah, c'est fini, on le jette. Peut-être qu'il réapparaît plus tard pour les besoins du scénario ou Ben pas. voilà, mais c'est ça, c'est en fait les personnages surtout ne servent qu'en fait que pour le besoin de l'histoire. Et après moi c'est vraiment ma version des choses et après on peut aimer différemment, mais pour moi en fait pour qu'ils aient vraiment la consistance, il faut que les personnages en fait soient moteurs de l'histoire et pas l'inverse, pas l'histoire moteur des personnages. Et là c'est plutôt l'inverse, c'est qu'en fait voilà ils ont besoin donc ils l'utilisent et ça fait un gimmick. Et j'avoue que c'est pour ça que j'aime pas trop leur écriture en fait, elle est bonne. Mais voilà, je suis pas transcendé par leur écriture. Après, vu qu'on parlait du gameplay, tu t'en parlais justement, tous ces trucs-là qu'on peut faire différentes. Il y avait l'utilisation du lasso quand tu pouvais ficeler les gens et tout ça. Enfin, tu pouvais aller chasser, tu pouvais jouer au poker. Le truc a vachement marché. Par contre, il y a des gens qui ont passé leur vie, enfin leur vie, beaucoup de temps à ça. Justement, c'était le multi. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui nous rassure un petit peu avec le 2 qui va sortir, c'est que, a priori, le multi, il est complètement décorrélé du solo. Il n'y a pas cette histoire de mix où tu vas pouvoir inviter des amis dans ta quête solo. Non, voilà. Le multi de Red Dead, moi, j'avais quand même passé du temps parce que tu avais des missions scénarisées qui étaient intéressantes. Ensuite, le multi ouvert, à l'époque, ça cassait pas des briques, c'était très vite l'anarchie. Néanmoins, avec le traitement du multi qui a été fait sur GTA V, on peut être plutôt optimiste sur ce qu'ils vont faire avec Red Dead 2. Ensuite, moi personnellement, je m'en fiche un petit peu, je pense que je vais tester. Mais bon, ensuite, si c'est bon, tomber sur des boulets qui font n'importe quoi, bon, ça va vite me gaver. Mais si ils mettent en place des missions scénarisées avec toujours plein de phases de gameplay différentes et variées, ça, ouais, ça peut être sympa. Mais enfin, moi personnellement, j'y passerai pas des heures, c'est sûr et certain. Je sais qu'il y a des gens qui y passent vraiment énormément de temps sur le multi de GTA V. Je peux comprendre pourquoi, effectivement, mais bon. Ensuite, je sais pas si Red Dead 2 il se prêtera vraiment à ce genre de choses. Mais bon, ça, on le saura plus tard, parce que de toute façon, le multi il sera implémenté courant novembre, je crois, pas à la sortie du jeu. Mais je crois qu'il y aura une phase de bêta avant. Bon, après, moi, j'avoue Oui, que oui. je l'ai déjà dit, mais ça, c'est que tout personnel. Alors, moi, j'ai rien contre, mais de toute manière, je suis pas un joueur multi, je suis pas un joueur coop. Moi, j'aime bien jouer tout seul, trouver mes histoires. Donc, j'avoue que je m'y suis pas trop intéressé. Bon, justement, on va quand même pas passer notre temps sur Red Dead 1. On va peut-être parler justement de ce fameux 2. Donc, ouais, voilà, on voit qu'il y a tout autour, est-ce qu'il peut être bien ou pas. tout ce qui va être quand même une grosse hype et tout ça. Et justement, dans tous les effets d'annonce qu'il y a eu, il y a quand même beaucoup de choses qui sont développées. Toi, qu'est-ce que tu retiens le plus justement sur ce qui est passé ou ce qu'ils ont annoncé pour ce nouveau jeu? Donc, pour le coup, en se concentrant vraiment sur l'aspect pas multi, puisqu'on n'en sait pas encore tout, mais vraiment l'aspect beaucoup plus solo du jeu. Mais par rapport aux promesses qu'ils ont faites, c'est des éléments de gameplay où, en fait, il va falloir. Enfin, il y a la possibilité d'avoir un camp qui sera un petit peu nomade, si j'ai bien compris, on peut le déplacer. Et je pense que ça va être le truc le plus important. Donc, il va y avoir un camp avec des personnages, il va falloir entretenir les relations avec ces personnages-là. Il va falloir aussi chasser pour nourrir le camp, il va falloir aussi entretenir son cheval, etc. Donc en fait, tout ça, c'est du gameplay qui rajoute, sans pour autant tomber dans le jeu de survie, parce que donc il va falloir manger, boire, je crois, et dormir aussi. Sinon, on s'endort sur le cheval, et puis voilà. Donc, je sais pas encore trop comment ils vont gérer ça. Ça me surprend un petit peu parce que c'est un petit peu le premier jeu qui fait ça. Enfin, non, pas tout à fait, parce que dans GTA San Andreas, il y avait des éléments RPG comme ça, où tu pouvais améliorer les compétences de ton personnage en course, en attention, en musculation, etc. Et ça avait un vrai impact sur le gameplay. Et j'ai l'impression qu'ils veulent retenter le truc avec Red Dead 2. Quand tu dis le premier jeu qui fait ça, tu parles le premier jeu Rockstar. Mais le premier jeu Rockstar, oui, non, je parle pas des autres. Oui, sur les GTA, ils faisaient ça, effectivement. Oui, puisqu'il y a même aussi tous les systèmes, tu sais, de ta réputation, suivant comment en fait tu te comporteras aussi. Les gens t'accueilleront donc différemment. Si t'es tout dégueulasse, tu pourras faire peur aux gens. Mais par contre, tu pourras pas activer des choses. Donc, des fois, il faudra être mieux habillé, mieux coiffé et tout. Donc, effectivement, comme tu dis, pour le coup, il y a vraiment cette consonance RPG. Alors, après, moi, je t'avouerai que j'espère que ça sera paramétrable. Parce que quand je fais moi, personnellement, quand je fais un trip western, j'ai pas non plus envie de passer mon temps à faire de la simulation, tu vois. Donc, c'est bien sympa tout ça. Mais par exemple, tu vois, le truc d'entretenir son cheval pour qu'après tu puisses. Ouais, c'est cool, mais en fait, j'ai pas envie de jouer à Léa Vétérinaire ou à Alexandra Lederman, quoi, tu vois, mon petit. Ouais, voilà, en fait, faut pas que ça devienne une corvée. C'est pour ça que moi, je suis encore un petit peu sceptique. J'attends de voir comment c'est fait. Mais si au bout d'un moment, enfin voilà, si c'est comme ton Tamagotchi, tu dis oh merde, j'ai pas mangé, vite, tu prends un truc dans ton inventaire, c'est réglé en 2-2. Et puis, c'est tout. Donc, c'est plus une corvée qu'autre chose et ça apporte rien. Donc, mais bon. Pour le moment, c'est juste un truc qu'ils ont dit. Je crois qu'on n'a rien vu encore à ce sujet. Donc, j'en sais rien. Si ça se trouve, ce sera peut-être bien. Il ne faudra peut-être pas le faire souvent. Je ne sais pas. Bah après, voilà, comme tu dis, ça dépendra après comment il fait le cycle. Après, justement, dans le jeu, bah, comme tu dis, ouais, voilà, ils ont rajouté plein de choses. En fait, on a l'impression que c'est une version, supra, Uber ou le mot qu'on veut, en fait, du premier, avec cette fois-ci encore plus de choses. Là, même par exemple, tu parlais de la chasse, là ils ont annoncé je sais plus combien d'animaux différents, enfin un truc de dingo. Alors je sais pas s'il y aura des dingos justement comme animal, mais ouais, un truc de dingo, enfin voilà, il y a vraiment pour tout. Mais donc là, pour le coup, on parle vraiment à chaque fois en fait du rapport au monde, au personnage, enfin, au PNJ et tout ça, à l'univers. Et encore une fois, en fait, donc c'est là où ils sont très forts, mais on parle pas forcément de l'histoire. Alors pour l'histoire, rapido, je crois que ça se passe une dizaine d'années avant le premier. C'est un préquel en fait. C'est 1899, 12 ans. Ouais, 12 ans. Donc tu recroises justement, bah, t'es dans le gang de Dutch, ça, donc le mec que tu traquais dans le premier. Tu recroises des personnages et tout ça, donc bah, quelque part au niveau de l'histoire, c'est pareil. Tu peux avoir des origins, on va dire, mais bon, ouais, il y a des personnages, tu sais que, genre John Marston, bah, tu sais que tu vas pas le flinguer, quoi, de cette manière. Et donc c'est pour ça, j'attends de voir, moi personnellement, l'histoire. Je suis toujours un peu, comme j'ai expliqué pourquoi, hein, c'est pas une critique envers Rockstar, mais donc c'est pour ça que je veux pas le jouer Day One, parce que oui, ça va être cool de faire le côté western. Après, moi j'aime bien l'histoire, c'est quelque chose, l'histoire, les personnages surtout, c'est quelque chose que je place moi personnellement au-dessus de tout, que ce soit en jeu vidéo, en livre, en film, c'est d'abord les personnages, après l'histoire et après l'univers. Donc c'est pour ça que je suis encore un peu dubitatif, parce que je sais pas trop, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand ils ont présenté le personnage qu'on va jouer, là, Arthur Morgan. Il t'inspire rien en fait. Ben voilà, c'est vraiment un truc de base. Il ressemble vaguement à un acteur que j'aime bien qui s'appelle Power Booth, qui faisait le méchant dans Top Stone, un western avec Kurt Russell. Sauf qu'il avait beaucoup plus de charisme, Power Booth. Et voilà, c'est un personnage vraiment lambda d'un western lambda. Alors apparemment, il pourra avoir la barbe, on pourra le customiser. Donc tant mieux. Mais Ouais. voilà, en fait, effectivement, moi, quand ils montraient Et, leur trailer. et c'est fait exprès en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un personnage basique. C'est pour justement développer le côté ouvert du jeu sans avoir l'impression d'incarner un personnage fort qui va suivre un scénario. Enfin, peut-être, j'en sais rien. Ouais, effectivement. Mais alors, dans ce cas-là, pour le coup, tu vois, ça revient à ce que tu disais, c'est effectivement pour le. Alors, c'est même si c'est pas full RPG, mais c'est un peu genre l'anti-Witcher où tu vas incarner, donc tu vas y mettre de toi, mais t'as déjà un personnage fort. Que là, effectivement, c'est quelque chose de plus malléable, en fait. Arthur Morgan, c'est que ce sera plus malléable. Donc, faudra voir. Moi, j'avoue que je. Voilà. Enfin, de prime abord, le gars m'intéresse pas des masses. Et c'est toujours pareil, si en fait, le personnage t'intéresse pas, ce qu'il vit, ce qu'il est. Alors après, si tu peux vraiment toi impacter, ben, tu peux faire ton aventure à ta sauce. Mais si t'as pas cette connexion-là, moi personnellement, ben, j'ai du mal justement à entrer dans un jeu ou aller du moins jusqu'au bout. C'est pour ça que les GTA d'ailleurs, alors je vais avouer que le 5 je l'ai pas fait, donc je vais pas critiquer le 5, mais le 4 en fait, ben, tout le monde me parlait de Niko Bellic, ben, moi j'avoue qu'au bout d'une quinzaine, 20 heures de jeu, ben, en fait ce personnage j'avais même plus envie de le jouer quoi. Il m'intéressait pas, je me connectais pas, après c'est ma vue, hein. Mais voilà, et Ouais, donc mais c'est. c'est de l'avis assez unanime, c'est franchement la campagne la plus, enfin, la moins bonne des GTA, enfin, depuis les GTA 3D. Parce que par exemple, ce qu'ils avaient fait avec les extensions, avec les motards et Bad of Gettoni, pour le coup, c'était vachement mieux. Donc, c'est ce qui est un petit peu. Oui, les DLC étaient mieux. C'était mieux foutu au niveau histoire. Mais tu sais, d'ailleurs, Mais. en parlant de DLC, justement, on n'en a pas parlé rapidement, il y avait le Undead Nightmare qui était sorti, donc cette campagne un peu zombie qui Oui. permettait de redécouvrir les choses, qui était assez sympa, qui était. En fait, c'était indépendant du jeu, je crois. Non, en fait, ça reprenait pas du coup après la fin du premier, mais c'est comme s'il y avait une autre fin où il était vivant. C'était comme un spécial Halloween en fait. Et c'est ça que j'avais trouvé en fait. Et j'avais trouvé qu'ils avaient vraiment raté une grosse opportunité. Parce que ça aurait été génial justement de jouer un mec mi-zombie, tu sais, ressuscité. Et ça, ils l'avaient pas fait. Et c'était vraiment dommage. Ouais. Et pourquoi Ensuite, il. on était en plein boom zombie, ça marchait fort à l'époque, et donc ils ont un petit peu aussi surfé sur la vague. Ils ont dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un truc de zombie dans l'ambiance western? Et c'était marrant. Ensuite, je vais pas dire que c'était anecdotique, parce que c'était quand même une bonne extension. Mais voilà, moi franchement, je m'étais bien marré. Ouais, voilà, oui, exactement. Mais tu penses que justement, ils referont un truc comme ça pour le 2? Alors, on a le temps, mais bon, comme on sait qu'ils font des. Maintenant, quand ils te vendent un jeu, alors déjà, le jeu va peser beaucoup parce qu'il y a plein de features, je crois qu'il pèse 100 gigas sur la console. Ouais, c'est énorme, ouais, Ah ouais, c'est le jeu c'est. le plus lourd. Mais de toute façon, ils ont tous été hyper lourds, leurs jeux. Les temps de chargement sur PS3, je m'en souviens encore. Hein. Ben, on verra justement d'ailleurs avec celui-là comment ça se passera, les chargements. Mais ouais, justement, après pour les DLC, est-ce qu'ils feront. Un DLC comme ça, moi je pense qu'à terme ils le feront parce que ça avait, je pense, il avait vraiment bien marché leur Undead Nightmare. Et c'est vrai que c'est fun de faire du Ben on western, comment ça verra, parce s'appelle. que faudrait pas non plus qu'on leur reproche de faire la même chose qu'avec le 1. Parce que déjà, moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai avec le 2. Je vais pas dire que c'est un 1.5, mais la raison pour laquelle on l'attend pas, enfin, on l'attend pas particulièrement, c'est effectivement parce que y a rien dans les trailers qui peut franchement te donner envie de t'intéresser. Parce que ben l'univers, c'est le même. La différence avec les GTA, c'est que ben, tu passes d'un GTA à un autre. Ça se passe ailleurs. Tu es à Liberty City, ensuite tu vas à Vice City, donc tu changes d'époque, d'ambiance, de lieu. San Andreas, je t'en parle même pas, et à chaque fois tu as un truc de nouveau, tu voyages. Alors que là, mine de rien, du 1 au 2, eh ben, tu te dis, mais qu'est-ce qui change? C'est toujours le Far West. Donc tu t'attends un petit peu à retrouver peut-être les mêmes décors. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas peut-être ce renouvellement qu'il y a comme dans les GTA. Ouais, non, alors là, je sais pas, parce que franchement, ils ont montré quand même des nouveaux lieux. Je pense que si, il y aura quand même. Je pense qu'ils vont améliorer. T'as le côté enneigé qui va être encore amélioré. Il y a un truc qui se passe dans les bayous et tout ça. Alors, ça, on sait qu'ils aiment bien les bayous. Mais donc voilà, donc au niveau de l'univers, si, des lieux qu'on va traverser, je pense que ça va appeler encore à la balade et tout. Mais moi, non, moi, la hype, en fait, c'est que, comme tu dis, c'est que, ouais, je pense que je prendrai mon pied quand j'y jouerai, parce que j'aime le côté western, donc forcément que j'y jouerai. Mais c'est juste que je l'attends pas Day One, tout simplement, parce que. Ben j'ai pas pour l'instant les personnages, je sais pas si je vais être emballé par l'histoire, et donc j'ai pas envie de me bouffer, comme tu dis, 40-50 heures sur un jeu dont l'histoire, finalement, je sais même pas si elle va m'amener jusqu'au bout ou va me. Enfin voilà quoi, tu vois, Bah, c'est. le truc en plus, c'est qu'avec tous les éléments de gameplay qu'ils apportent et qu'ils étaient obligés d'apporter pour pas que ce soit une copie conforme du 1, Ce sera vraiment une évolution plus. Ils ont vraiment mis l'accent sur le gameplay. J'ai presque peur que l'histoire soit relayée au second plan. Mais bon, voilà. Ensuite, encore une fois, on n'y a pas joué, on ne sait pas. Mais effectivement, toi comme moi, c'est aussi pour ça qu'on ne va pas se précipiter dessus. Moi, personnellement, je suis persuadé que le jeu sera excellent. Je vais l'acheter probablement en début d'année prochaine, début 2019. Je suis persuadé que je vais m'éclater. Mais voilà, c'est tout, quoi. Ben écoute, j'aurais pas mieux dit. Après, je demande qu'à être comment ça s'appelle, surpris. Mais voilà, jusqu'à maintenant, comme tu dis, en fait, c'est pareil. Leurs jeux Rockstar, et ben leurs histoires m'ont jamais vraiment emballé. Même, tu vois, et c'est un très bon jeu, mais même leur Max Payne 3, que j'ai vraiment beaucoup aimé en tant que jeu, ben en fait, il tient pas la comparaison avec les deux premiers de Remedy en termes de qualité d'écriture. Je trouve, ils avaient fait un très bon polar, mais ils avaient pour moi pas fait un bon Max Payne. Ils avaient pas forcément compris toutes les aspérités du personnage, et je trouve que en fait c'est, alors je crois que c'est Dan Houser hein, qui est souvent le scénariste, tout ça, parce que c'est un mec au placé dans la boîte, mais il fait toujours, en fait c'est un peu la même truc, tu sais que dans celui-là tu vas avoir la bande, il y a un moment tu vas être trahi par ton mec, tu croyais être enfer, en fait il y a toujours les mêmes gimmicks qui reviennent, mais comme dans beaucoup de d'œuvres hein, donc ça c'est pas un souci, mais c'est la manière dont c'est mis en place fait que finalement tu vibres moins avec les personnages, tu vois, et c'est pour ça que moi c'est un truc que j'y tiens beaucoup, donc ouais, ça sera pour la même manière. Enfin, je pense que là, en octobre, tu vois, limite, j'aurais peut-être plus été tenté par le Assassin's Creed Odyssey, et même pas, parce qu'en fait, le problème d'Assassin's Creed, c'est que c'est pareil, à vouloir mettre trop de features RPG. Mais en fait, ça te rallonge, en fait, la durée des jeux, et moi, personnellement, ça me saoule. J'ai envie aussi qu'il y ait une bonne balance entre l'histoire. Alors, quand c'est RPG, ça passe, mais. Ce mix un peu entre les deux, ben voilà, moi c'est un truc, j'ai pas de 50 heures à investir sur un truc comme ça, en tout cas j'en ressens pas l'envie directe, et c'est pour ça que je pense que je partirai plus sur des jeux plus petits en octobre. Je pense que je vais tenter plus le Thronebreaker de CDR Project sur la campagne Gwent, comme par hasard, hein, donc on verra ce que c'est, mais c'était pas le but du podcast, mais ouais voilà, et donc c'est vrai qu'il y a, et pourtant il y a une grosse hype autour de ce Red Dead Redemption 2. C'est logique, mais enfin comme autour de chaque jeu Rockstar, parce qu'il y a, enfin il y a quand même une qualité de réalisation qui est au top niveau. Donc quand le jeu va sortir, premier jeu. Ça veut marketer aussi. Ils ont même pas besoin de faire du gros marketing. Ah non, ils balancent une image et puis tout le monde est dessus et il y a pas de problème. Et les gens ils se posent même pas la question de savoir s'il sera bon ou pas. Moi je connais des gens, ils ont dit mais Rockstar j'achète tout de suite le premier jour. Tu te poses pas de questions. Enfin, à moins que tu sois allergique à l'univers western, ce qui peut arriver. Il y a des gens, ils ne se posent pas de questions. Et ils ont raison, finalement. Ah oui, de toute façon, en termes de qualité, moi, je ne fais aucun doute que ça sera le big truc qui va sortir là. Enfin, après, il va se battre peut-être. Ça sera peaufiné à mort. Il n'y aura pas un défaut, quoi. Il y aura peut-être 2-3 bugs, mais c'est inhérent aux open world. Mais le jeu, il sera clean, propre, il n'y a pas de problème. Ouais, donc c'est vrai. Et c'est pour ça, c'est drôle. En fait, quelque part, je me trouve des fois, je me regarde dans la glace, j'ai des questions existentielles, non, c'est pas le cas. Et je me dis, mais dis donc, Coyote, pourquoi tu n'attends pas ce jeu-là? Mais en fait, c'est ça, ouais. Je me dis, c'est drôle que. Mais ouais, ou peut-être. Après, peut-être que si, c'est. L'humain est particulier, et c'est ce fait, en fait, des fois, de subir de trop plein fouet, tu sais, la hype, en plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout est amplifié, tout ça, fait que quelque part, ben, des fois, t'as ce contre-coup-là, ce qui est stupide, parce que le jeu, en fait, il n'y est pour rien, quelque part. Enfin, après, les éditeurs, hein, c'est une autre question. Ils savent y faire, mais ils savent très bien que la presse est là pour relayer en masse, et c'est ça aussi qui est un petit peu insupportable avec les jeux modernes. Alors là, ça pourrait faire carrément l'objet d'un podcast. Autour d'une bonne bière corélienne, évidemment. C'est tout ce teasing, les mecs qui disent « Demain, 16h, il y aura un trailer. » Donc, ils font du teasing de trailer, etc. Et c'est le relayer 40 fois sur le web. Non, mais c'est bon, les mecs, pour une vidéo de 2 minutes, arrêtez, quoi. Des fois, t'as même du teaser de teaser. Mais ça, tu vois, c'est un truc qu'ils ont adapté du cinéma. Et je regardais une émission récemment là, sur le cinéma, justement, mais on pourrait l'adapter. Et là, on fait une digression, puis ce sera peut-être l'occasion après d'aller conclure et d'aller tirer le dernier coup de Peacemaker avant d'achever le bison dans le saloon. Je dis n'importe quoi. Mais non, mais c'est que, en fait, effectivement, c'est que par rapport au cinéma, alors le jeu vidéo, c'est différent, mais nous, on pourrait l'adapter aussi. Il disait, vous vous rendez compte, c'est que maintenant, les bandes annonces avant, on n'en avait pas 36 000 et on les voyait quand on allait au cinéma. que maintenant en fait on les voit que sur internet et donc tu vois tout est démultiplié. Et le jeu vidéo avant c'est pareil, t'avais des previews mais t'avais pas vu d'image, c'était les premières images que tu voyais, c'était sur ta revue. Ou alors t'avais des vidéos sur, sur les démos, les CD de démos, tu sais. Et t'avais les démos, et ouais, bon, un truc qui se perd un petit peu plus. Mais ouais. Donc du coup, effectivement, t'es au chevet de la presse qui est pas vendue, mais c'est. Enfin, il y a quel magazine qui cire pas les pompes de Rockstar sur Red Dead 2, quoi. Enfin, tout le monde est dithyrambique au sujet de ce jeu-là. Bah, ils ont peut-être raison, c'est eux les professionnels aussi, mais bon, c'est aussi un petit peu ça qui agace, je trouve. Ben en tout cas, enfin moi personnellement, c'est le, et voilà, comme je te dis, c'est un réflexe un peu humain des fois, quand t'entends trop parler de quelque chose, et ben en fait, soit t'es vraiment hypé dès le départ, t'avais envie de le faire, donc ben, tu t'en fiches, ça te conforte dans ton idée, soit tu vas freiner des cas de fer, tu sais, et tu vas dire, ouais bon, on verra et tout ça, et donc t'as un peu cet effet-là, et j'avoue que sur ce Red Dead Redemption 2, ben en fait, j'avoue vraiment que je le subis, et que cette hype un peu me fatigue, comme j'ai pu l'avoir justement sur les Assassin's Creed. Et donc voilà, donc je m'en cache pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, comme toi, j'attendrai bah, qu'il soit un peu moins cher, le trouver à peut-être soldé, enfin soldé non, parce que je vais pouvoir l'atteindre, mais du moins dans un bac. 30 balles. Ouais, 30 balles, un truc comme ça. 30 balles, moi c'est le prix pour un bon jeu solo. Je mets 30 euros, t'attends 6 mois et puis tu l'auras. Bah oui, bah voilà, exactement. Bah, après, mais ou alors t'attends le portage PC. De toute façon, c'est un jeu, enfin, si, même si on veut profiter du multi, c'est un jeu qui va durer dans le temps. C'est vrai qu'il y a des jeux qui vont durer 4 mois en termes de multijoueur, puis ensuite ce sera complètement déserté. Moi, je pense que c'est un truc qui va durer, donc même si on l'achète plusieurs mois après, au contraire, il y aura du contenu en plus et ce sera étoffé, donc c'est pas un problème de ne pas l'acheter tout de suite au niveau du multijoueur, j'entends. Oui, effectivement. Puis il y aura peut-être même des DLC entre-temps qui seront sortis aussi. Je pense qu'ils vont développer le multijoueur. Ça aussi, c'est un des reproches qu'on peut leur faire, parce qu'ils avaient promis. Enfin, ils avaient dit que GTA V, ils allaient sortir du contenu pour étoffer un petit peu le solo. Et effectivement, ils ne l'ont pas fait et ils ont plutôt capitalisé sur le multijoueur. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'ils fassent la même chose avec Red Dead 2. Bah écoute, on verra en tous les cas. Bon, de toute manière, jeu, si je ne dis pas de bêtises, donc il sort le 26 de ce mois-ci. Ouais. Probablement sans nous, mais probablement avec beaucoup d'entre vous qui nous avez écouté. Donc je vous remercie de nous avoir écouté pour ce podcast là, donc cette première de la saison 2 de la Cantina Chic Tabac, format plus court, plus à la cool, sur donc Red Dead Redemption, le probable futur hit, pas loin d'un sans doute d'être le meilleur jeu de l'année. Je pense qu'il va avoir plein de awards, même si ça veut pas forcément dire quelque chose, donc de Rockstar Game. Ben Macramic, je te remercie d'avoir participé. Qu'est-ce que je dis, ben on peut se dire je sais pas, au mois prochain. Au mois prochain. Même endroit, même heure, autour d'une bonne bière corélienne. Alors je sais pas quelle heure il est, je sais pas quel endroit ça sera, mais toujours est-il qu'effectivement nous serons là, la bière sera là, elle sera fraîche, elle sera bonne. On verra de quoi on discutera autour de cette bonne mousse. Et en tout cas, donc, je vous remercie d'avoir écouté à tous ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, puisque c'est comme ça, ça fonctionne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux. M'insulter, vous pouvez éviter. À part si c'est des insultes type western, ça me fera rire. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter vous, ce que vous avez, vos souvenirs sur le premier Red Dead, ce que vous attendez vraiment sur Red Dead 2, si le jeu est sorti quand vous écoutez le podcast, et bien ce que vous en pensez, là où vous pensez qu'on s'est trompé. On n'a pas la science infuse du tout, on ne donne que notre avis, on le partage, et ensuite on échange avec plaisir. Donc merci à tous, merci à toi Macrémica. Ben merci à toi aussi. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.